Les pommes de Calville par Marie Écart. Dans les premiers temps du consulat, lorsque Bonaparte était vraiment César, c'est-à-dire maître absolu dans un état qui avait encore le nom de République, le premier consul et sa femme quittaient volontiers Paris pour aller passer quelques heures à la Malmaison. Joséphine aimait surtout cette maison de campagne modeste où, loin d'essayer l'Empire et de s'initier au cérémonial de la représentation, elle affectait au contraire les goûts simples d'une âme de château bienveillante qui bannit de ses salons tout luxe et tout apparat. Cependant, la Malmaison était un point lumineux qui attirait tous les regards, et Madame Bonaparte, malgré tous ses soins, y voyait encore plus de courtisans que de fleurs. Dès qu'on l'y savait, elle était entourée des femmes les plus élégantes et des hommes les plus ambitieux du moment. Les fêtes se multipliaient sous ses pas, et surtout durant les absences du premier consul, elle marchait de surprise en surprise. On craignait la sévérité de César. On redoutait ce regard pénétrant qui démêlait l'intention cachée d'une galanterie et le but politique d'une chose en apparence indifférente. Bonaparte se méfiait avec raison de la légèreté de sa femme, qui suivait toujours sans réflexion son premier mouvement et dont il fallait souvent rétracter la parole ou arrêter la bienfaisance naturelle et dangereuse. Défaut divin, dont Joséphine n'avait jamais pu se corriger, et qui lui a fait prendre le premier rang parmi les reines qui ont séché des larmes et qui n'en ont jamais fait couler aucune. Un soir, Joséphine dînait presque seule à la maison, lorsqu'au moment où l'on apporta le fruit, un jeune homme dont nous ne dirons pas le nom parce qu'il vit encore, fut admis à faire sa cour à la femme du premier consul. Il entra suivi d'un individu âgé de 50 ans environ, qui portait une petite table qu'il plaça devant Joséphine et sur laquelle il étendit un tapis usé. Quand ces arrangements sommaires furent faits, cet inconnu tira d'une gypsière 3 gobelets d'étain et se mit à escamoter. Les muscades se multipliaient sous ses doigts et il les faisait à son gré rebondir comme la grêle. Puis, avec un souffle, ses boules bondissantes s'évanouissaient. « Madame n'a qu'à parler, » dit-il résolument à Joséphine, et elle sera servie à souhait. « J'ai regret que madame ait achevé son dîner. » Sans cela, j'aurais pu lui présenter des mets qui n'ont pas paru aujourd'hui sur sa table. Le rouget de la Méditerranée, la sardine de Royan, ou bien les petits poissons argentés qu'on pêche dans cette partie du monde où madame a bien voulu naître pour le bonheur de la France. Mais madame n'a qu'à vouloir. Désire-t-elle un diamant sans tache ou une fauvette des bois, un rubis d'Orient ou un de ces rossignols qui charment nos forêts ? L'homme qui mettait ainsi la nature entière au service de Joséphine paraissait désirer que Madame Bonaparte se décidât pour un rossignol, car il approchait son oreille de son gobelet, et on aurait dit qu'il entendait déjà les cadences harmonieuses du chantre du printemps. Mais Joséphine, qui, quoiqu'elle ait toujours dépensé des sommes énormes pour sa toilette, avait cependant les goûts simples et a toujours préféré un bouquet de fleurs à un bouquet de diamants. Joséphine ne demanda ni un rubis, ni un oiseau, elle demanda une rose. À peine avait-elle parlé que l'escamoteur renversa son gobelet et montra au spectateur ébahi une rose qui, entourée de ses 2 boutons, s'épanouissait avec grâce sur sa tige et dont l'odeur suave embauma l'appartement. « Mon Dieu !» s'écria Joséphine, « vous avez coupé la plus belle rose de ma serre, une rose que je comptais donner demain à Bonaparte, parce qu'elle a besoin de la nuit entière pour s'épanouir entièrement. « Permettez, madame, » répondit l'escamoteur avec politesse, « cette rose est à moi, et j'ai l'honneur de l'offrir à la femme du premier consul. » Je ne serai pas assez hardi pour porter la main sur les fleurs de Madame Bonaparte. Je n'ai jamais d'ailleurs mis le pied dans ses serres. Joséphine envoya un de ses gens vérifier le fait, et on revint lui dire que la rose destinée au premier consul s'épanouissait toujours à l'aise sur sa tige. Joséphine, simple et crédule comme une enfant créole, ne revenait pas de son étonnement. Rien ne put en effet embarrasser l'homme prodigieux qui la charmait. Tantôt il faisait sortir de sa gypsière des volées d'oiseaux qui venaient becqueter les miettes tombées de la table. Tantôt il remplissait un verre d'eau, et en lançant le liquide au plancher, des myriades de fleurs retombaient sur les assistants. Quand l'admiration fut au comble, lorsque la curiosité fut lassée plutôt qu'épuisée, Joséphine prit une espèce d'aumônière qui était accrochée à son fauteuil et qu'on appelait alors un ridicule. Elle y cherchait quelques pièces d'or lorsque l'escamoteur se jeta à ses pieds. « Madame, lui dit-il, vous pouvez me payer au centuple les légers divertissements que je vous ai donnés, mais ce n'est pas avec de l'or. Une grâce, madame, une grâce. Laquelle ? » demanda Joséphine, qui de bonne foi croyait cet homme beaucoup plus de puissance qu'elle n'en avait elle-même. Alors cet homme la pria simplement de vouloir bien goûter un des fruits qui était sur la table. Joséphine étendit la main vers des pommes de Calville, dont la robe dorée tentait depuis quelques moments son appétit, et y appliquant le couteau avec l'indécision d'une femme qui s'attend à un miracle, elle ouvrit le fruit parfumé. « Il y a des fleurs, dit le poète latin, qui portent écrit dans leur calice le nom des rois. La Calville que tenait Joséphine recelait dans son sein une pétition au premier consul. « Madame, dit l'escamoteur qui avait ployé le genou, vous voyez à vos pieds un malheureux qui a voulu se mêler aux querelles des rois et qui a pris les armes contre la République. Je me suis battu dans la Vendée avec une cocarde qui n'est plus celle de mon pays. Et quand le parti que je servais a été vaincu, j'ai fui. J'ai quitté la France pour vivre à l'étranger. Dieu vous préserve, madame, de savoir jamais combien on souffre à l'étranger. Ma patrie m'a rejeté. Mon nom est rayé de la liste des citoyens et inscrit sur celle des émigrés. Un mot de vous, madame, et ces titres précieux me seront rendus. Je redeviens français, je puis vivre au milieu des miens. » Pendant cette prière, Joséphine examinait curieusement le fruit dont les morceaux étaient sur son assiette. Elle en tâtait avec ses petits doigts la peau luisante et intacte et admirait le prodige qui était sous ses yeux. Une pomme qui, au lieu de pépins, renfermait une pétition. « Monsieur, dit-elle à l'émigré, je ferai ce que vous désirez. Le premier consul verra votre pétition et vous pouvez être certain que je ferai tout ce que je pourrai pour que votre demande soit accueillie. » L'escamoteur se releva, fit rentrer ses gobelets dans la gypsière, mit sa petite table sous son bras, s'inclina jusqu'à terre et se retira. « Monsieur, dit alors Joséphine au jeune homme qui avait amené l'habile prestidigitateur, vous m'avez fait passer une soirée bien agréable, mais il ne faut pas que cet homme nous quitte. Il faut que Bonaparte le fasse rayer. On accorde cette faveur à des gens moins amusants et moins utiles. Je ferai appeler cet homme quand j'aurai besoin d'un miracle. » Sous le directoire, les émigrés étaient rentrés en foule. L'insoucieux Barras supposait volontiers que toutes les haines étaient éteintes. Il n'en fut pas de même de Bonaparte, qui, sans être soupçonneux, était avisé et comprenait fort bien que la commotion avait été trop forte pour que le nouvel État fût tranquille. On devint donc sous le consulat plus sévère que sous le directoire. Le premier consul regardait, il est vrai, les républicains comme ses ennemis les plus dangereux, mais il surveillait les démarches des émigrés. Et ceux qui avaient combattu dans la Vendée ou séjourné en Angleterre lui étaient doublement suspects. Fouché surveillait de son côté la Vendée et mettait sans cesse sous les yeux de Bonaparte les rapports les plus alarmants, ce qui n'empêcha pas, quelque temps après, la machine infernale d'éclater. On sait que le premier mouvement de Bonaparte fut d'accuser les républicains de ce complot, tandis que Fouché, qui voyait dans tout ce qui pouvait troubler la France les menées de l'Angleterre, n'hésita pas à accuser le parti royaliste. À 11 heures du soir, le premier consul sortit de l'opéra, et un peu avant minuit, il était à Malmaison. Il arriva sans bruit, presque seul, et apprenant que Joséphine était couchée, il pénétra dans sa chambre, la trouva endormie, et passa sans s'arrêter dans son appartement à lui. « Madame a demandé qu'on le réveillât dès que le premier consul arriverait, » dit une femme de chambre qui avait osé le suivre. « N'en faites rien, » répondit-il, « laissez-la reposer, je veux être seul. » Et il se coucha sur ce lit de camp en fer qu'il avait suivi dans ses campagnes déjà nombreuses et qui, comme tout ce qui lui appartenait, devait devenir historique. Le lendemain, à 6 heures du matin, Bonaparte déjeunait debout dans la salle à manger de Malmaison et dans la cour du château on attelait la voiture qui devait le ramener à Paris lorsque Joséphine entra. Elle alla à lui, le baisa au front et s'empara de ses mains. « Méchant, tu voulais partir sans me voir. Qu'as-tu fait hier, Joséphine ?» demanda Bonaparte. « À quoi tu employais ta journée? Qui est venu te voir ?»« Je me suis beaucoup amusé. Si tu veux dîner aujourd'hui avec moi, je te réserve une surprise qui te charmera. » »« À propos, » ajouta-t-elle en tirant de son sein un papier qu'elle déploya, « fais rayer ce nom de la liste des émigrés. Tu me rendras service. D'ailleurs, j'ai promis. » »« Un chouan ?» s'écria Bonaparte avec colère en lisant la pétition. « Georges Marec, un des CI de Charette et de la Rojaclin. Un de ces hommes qui suivait il y a 18 mois à peine les armées de la République, pour tuer les soldats isolés, pour achever les mourants sur le champ de bataille. Marek, Marek, un homme qui vient d'Angleterre, qui a débarqué furtivement sur nos côtes, avec quelques missions criminelles dont Pitt l'aura chargé sans doute. Fox, monsieur Fox, mon ami monsieur Fox, m'a écrit lui-même de me défier de pareil misérable. Et comment connaissez-vous cet homme? Où l'avez-vous vu? Pourquoi vous intéressez-vous à lui? Parlez, madame, parlez. » À l'explosion de cette colère, Joséphine interdite se troubla et se mit à pleurer. « Allons donc, » disait Bonaparte, « ne pleure pas et réponds-moi. Sans doute tu ne connais pas cet homme. On a abusé de ta bonté. Ils ont pensé, les traîtres, que cette demande présentée de ta main ne pouvait manquer d'être accordée. Et alors ils auraient agi librement à Paris et préparé le crime presque sous nos yeux. Oh, Fouché a raison, ces gens-là ne changeront jamais. » En parlant ainsi, Bonaparte avait passé le bras de sa femme sous le sien et il se promenait avec elle dans la salle à manger sans plus se soucier de son déjeuner commencé. « Je ne le connais pas, » disait Joséphine. « Ne te fâche pas, Bonaparte. Déchire cette pétition, n'en parlons plus. Si tu savais comme elle m'est venue. » « Voilà ce que je veux savoir, » dit Bonaparte. Alors Joséphine raconta comment M. N. avait introduit chez elle un escamoteur à l'issue de son dîner et les tours merveilleux qui l'avaient étonné. Cette pétition même que Bonaparte tenait dans ses mains avait quelque chose de miraculeux. Elle paraissait être née dans un fruit, ou du moins y avoir été placée par un pouvoir surnaturel. « Et voilà qui t'ouvre la porte de ma maison, » dit le premier consul, « à des batteleurs, à des jongleurs, qui, n'espérant pas tromper le mari, cherchent à séduire la femme et la fasciner. Que tes enfants, Joséphine, des tours d'escamotage te trompent, tu vois la gypsière et tu crois ce qui en sort. » En parlant ainsi, il s'approcha d'un buffet et prit un fruit dans une corbeille. « Tiens, » dit Joséphine, « j'ai trouvé la pétition dans une pomme pareille. Tu sais que j'aime les Calvilles, on m'en sert tous les jours, et c'est le hasard qui a guidé mon choix. » Bonaparte haussa les épaules, et prenant un couteau, il ouvrit le fruit. Le miracle se renouvela, une pétition se trouvait cachée dans le cœur de la pomme. « Et de deux, » dit Bonaparte, en prenant un second fruit qu'il ouvrit encore et qui renfermait une troisième pétition. Tous les fruits furent ouverts et tous renfermaient le même miracle. Alors Bonaparte fit voir à Joséphine par quel artifice adroit on avait vidé les pommes pour y introduire un papier roulé avec soin et qui occupait la place des pépins et de leur enveloppe. « Cet homme ne pouvait pas manquer son coup, » dit-il. « Il s'était arrangé de façon que tu pouvais choisir à ton gré. Il était d'accord avec le fruitier, qui dès ce moment ne te servira plus. Et quant à ton escamoteur, je vais faire appeler Fouché. » « Ah, Bonaparte, je t'en supplie, » s'écria Joséphine, « qu'on ne le saisisse pas chez moi, que l'inviolabilité de ma maison ne soit pas méconnue. »« Chez toi, il y est donc ? Non, il n'y est pas, mais il doit y revenir. J'espérais que ce soir tu t'amuserais de... »« Fouché le trouvera, sois tranquille, ta maison ne sera pas violée, mais cet homme dangereux ne pourra pas conspirer à l'aise. » Puis, sans vouloir écouter davantage Joséphine, il l'embrassa à son tour, poussa du pied les tronçons de pommes et les exemplaires de pétitions qui jonchaient le parquet, courut à sa voiture qui l'attendait entourée de la garde consulaire et prit au galop le chemin de Paris. Il serait impossible de décrire le chagrin de Joséphine qui commençait déjà à mériter le nom de la bonne impératrice qu'on lui donna dans la suite. Elle ne s'intéressait pas précisément à cet homme, mais l'idée qu'elle serait cause de son emprisonnement et peut-être de sa mort lui était insupportable. Elle fit chercher Georges Marec aux alentours de la malmaison. Elle s'agitait, demandait conseil aux personnes qui l'entouraient et voulait donner à cet homme de l'or d'abord, puis un de ces gens qui le reconduiraient jusqu'à la frontière. On chercha inutilement Marec. M. N., qui l'avait introduit, avait quitté la malmaison la veille au soir et n'avait plus reparu. Enfin, le moment du dîner arriva et Joséphine, obsédée par une seule idée, ne put toucher à rien. Quand on apporta le fruit, la porte s'ouvrit à deux battants et Georges Marec parut avec sa petite table, sa baguette d'ébène et sa gypsière. « Ah ! » s'écria Joséphine, « fuyez, monsieur, fuyez ou vous êtes perdu. Vous êtes un chouan, vous avez massacré les soldats français, vous méritez la mort. Ma maison ne peut pas vous protéger plus longtemps, fuyez !» L'escamoteur regarda Joséphine d'un air tranquille et doux, et tout en la priant de lui accorder un quart d'heure, il disposait sa table et tirait ses gobelets de sa gypsière. Cette fois, il ne proposa point de diamants ni de rubis. Il ne fit point tomber du plafond un déluge de fleurs. C'étaient de petits soldats, de petits fantassins, de petits cavaliers qui sortaient de ses gobelets. « Voici, disait-il, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes qui se déploient dans la plaine. Voyez leurs bataillons, leurs escadrons, leur division. Voyez sur un cheval blanc Mélas, leur chef. Sur un cheval noir, Souvarov, leur grand capitaine. Souvarov, qui a promis au grand Saint-Nicolas, son patron, de lui donner tous les fusils des soldats français. Voici maintenant l'armée française. Voyez le général Bonaparte. Il regarde les ennemis, il étend la main, et tout ce monde se heurte, se bat. Entendez-vous le bruit du canon, celui de la trompette? Voyez-vous le drapeau tricolore qui s'avance vers les généraux ennemis, qui les menace, qui les atteint? Vive la République! Vive le général Bonaparte! La victoire est à nous! Et par un chef-d'œuvre d'adresse et de mécanique, des bataillons de soldats semblaient sortir des gobelets de l'escamoteur et prenaient rang sur la table où ils exécutaient les mouvements dont Georges Marec assourdissait les oreilles de Joséphine. Quand la bataille fut gagnée, vainqueur et vaincu rentraient dans la gypsière et l'escamoteur déclara qu'il allait montrer à l'auguste femme du premier consul des choses bien plus étonnantes encore. Mourad Bey, les Mamelouks, Kléber, Junot, Dessay, la bataille des pyramides, en un mot, la campagne d'Égypte. « Au nom du ciel, prenez cet or, » dit Joséphine, « que le danger où elle croyait cet homme empêchait de jouir de ce spectacle singulier. Prenez cet or et allez-vous-en. »« Veuillez me faire une dernière grâce, » dit l'escamoteur, en laissant dans sa gypsière la campagne d'Égypte qui ne demandait qu'à en sortir. « Daignez, madame, ouvrir encore une telle ville. » Joséphine se hâta de faire ce qu'on lui demandait. Elle trouva la lettre suivante. « Madame, je viens d'apporter la preuve au premier consul que le Marek, qui a eu l'honneur de paraître devant vous et de vous demander une grâce, n'est pas le meurtrier et l'assassin qui mérite toute la rigueur des lois. Celui que vous protégez est un honnête homme, qui a fait partie, il est vrai, de l'expédition de Quiberon, mais qui s'est battu loyalement et s'est expatrié après la défaite des royalistes. Il n'a point émigré en Angleterre mais en Allemagne, d'où il a rapporté des marionnettes qui vous amuseront. L'autre Marek ne se nomme pas Georges, mais Yves, et il est toujours en Angleterre, où tous ses pas sont comptés. « Je suis heureux, madame, de vous annoncer que votre protégé est rayé de la liste des émigrés. J'ai l'honneur, madame, etc. J. Fouché. »« À la bonne heure, » dit Joséphine en faisant un soupir de soulagement. « Monsieur, monsieur, voyons la campagne d'Égypte. » Georges Marek avait en effet passé 2 ans en Allemagne, où il avait escamoté pour vivre. De retour en France, il quitta la gypsière, sans renoncer précisément à son premier état. Le crédit de l'impératrice lui fit obtenir une place dans les fournitures. Ainsi s'achève Les Pommes de Calville par Marie Écart.